C'était le repêchage de la Ligue nord-américaine de hockey en fin de semaine. Les Marquis de Jonquière ont été très, très actifs au cours du week-end. Et nos collègues de CKJ, Dominique Bolduc et Michel Thifault, se sont entretenus avec le directeur du recrutement des Marquis de Jonquière, Lucien Paquette. Donc, on écoute cette entrevue. Notre invité, c'est Lucien Paquette, des Marquis de Jonquière. Puis là, j'hésite dans la présentation. Est-ce qu'il est recruteur, dépisteur, conseiller? Lucien Paquette, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien. Quel est ton titre officiel avec les Marquis de Jonquière? Faudrait le demander à M. Boivin. OK, on va lui demander. Mais tu es un homme de hockey important à cause de tes contacts, en raison des nombreux joueurs que tu connais à gauche et à droite. Est-ce que votre premier choix de repêchage, Jonathan Diaby, est-ce que tu l'avais dans ta mire? Ça fait juste un an et demi que j'essaie de l'amener. Et puis l'an passé, c'est sûr qu'avec la réglementation qu'il y avait faite au niveau des joueurs agents libres, on pouvait pas amener de joueurs qui étaient agents libres. C'est un règlement qu'il y avait au niveau de la Ligue, qui cette année a changé. Là, fait que c'est sûr que c'est un gars que je gardais dans ma mire, certain, parce que j'ai des contacts avec certains agents, puis des agents, des fois, m'appellent. Quand tu sais que prendre soin puis de respecter les jeunes quand ils s'en viennent jouer chez vous, puis de tenir ta parole avec ces jeunes-là, bien, les agents, quand il y a un jeune qui décide d'arrêter ou de changer de profession ou de passion, bien, il m'appelle. Il m'appelle directement, il me dit « Écoute, j'ai un kid pour toi, je sais que tu vas en prendre soin. » Fait que ça, c'est un gros avantage que j'ai. Là. J'ai une bonne liste d'agents qui m'appellent aussi. Fait que ça, c'est bien important là-dessus. Si vous aviez pas fait la transaction avec Berlin, Lucien, est-ce que tu crois que Jonathan Diaby aurait été encore disponible pour le choix 2? Honnêtement, je le sais pas parce que je connais pas à Berlin, on sait pas ce qu'ils peuvent prendre ou pas prendre. Ils ont le droit à 12 Québécois, ils ont une liste de 22, donc ils vont être obligés de se départir de joueurs tantôt. Est-ce qu'ils auraient été chercher un joueur comme Jonathan, Ismaël Diaby, ça, je peux pas vous répondre à leur place, mais je voulais pas prendre de chance que quelqu'un mettre la main sur lui, là, parce que c'est un joueur qui va nous donner une grande profondeur en ligne bleue. C'est un joueur très robuste. C'est un joueur qui sait se faire respecter sa glace, qui va emmener le respect à l'équipe aussi. Là, Les besoins des Marquis, puis Marc Boivin nous l'avait dit vendredi, c'était la défensive. Et dans votre repêchage, vous êtes allé chercher 5 défenseurs. Oui, exactement. Puis quand on était chercher des défenseurs, on parle de défenseurs avec des bons gabarits. On a juste à penser à Jonathan qui est 6 pieds 5, 239 livres, à David Henley qui est à 6 pieds 4, 230, Jason Bell qui est un style un peu plus finesse, si on veut, mais il est quand même 6 pieds 2. On essaie d'aller se grossir. On parle de Matt Nickerson que j'ai réussi à le rejoindre hier. Là, on est en discussion, mais il a déjà signé en Finlande. Mais si jamais ça marchait pas là-bas, on avait déjà une entente verbale ensemble avant au mois de juin, quand la saison était terminée là-bas. Et puis, il était supposé de se rapporter à l'équipe, mais on connaît les circonstances au niveau de la Ligue, là, qui ne savait pas s'il y aurait 5 équipes, 6 équipes, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête. Alors, le gars voulait pas prendre de chance. Vous comprendrez que tu sais, le gars vit de ça, le hockey, puis il a décidé de signer pour se sécuriser. Hein. Mais advenant que Nickerson se pointe à Jonquière, je pense qu'il y a beaucoup de partisans qui vont l'aimer, hein? Je pense un petit peu avec une coche, oui, vraiment. Là. C'est un gars qui joue dans les 4 premiers défenseurs, qui frappe terriblement dur et que tu ne peux pas déranger. Là. Je ne veux pas rentrer dans sa bulle, il accepte rien. Fait que c'est un gars assez dur, merci, oui. La Ligue s'est rajeunie, la Ligue semble s'être grossie, en tout cas c'est le cas des Marquis. Ça va être... Les partisans, les fans des équipes, les fans des Marquis vont sûrement être heureux de voir que la Ligue va se grossir. Ça pourrait jouer de façon plus robuste lors de la prochaine saison. Es-tu d'accord avec ça? Mais tu sais, il faut faire attention. Ça, je parlais avec M. Doyon au repêchage. On parle tout le temps de robustesse, mais tu sais, c'est différent partisans dans cette Ligue-là. Pour moi, de la robustesse, c'est du jeu intense avec des mises en échec, puis des combats qui peuvent éclater à l'occasion dans l'action parce qu'il y en a un qui a donné un mauvais coup. Mais il y a des gens qui interprètent la robustesse avec bataille. Puis c'est pas toujours le cas. Là. Tu peux avoir un bon match avec aucune bataille dans un match, puis avec 30 mises en échec chaque côté, puis ça va être une bonne game, là, ça va être intense, ça va finir 2-1. Là. Ça va être un match robuste quand même. Mais il faut faire attention comment est-ce qu'on l'interprète. Comment vous, dans votre question, vous l'interprétez? Est-ce que c'est du côté robuste, mise en échec, ou vous dites, est-ce qu'on va avoir des combats cette année? Ça, c'est une autre chose, tu sais. Bien, je pense que la Ligue a besoin de quelques combats, sans que ce soit excessif ou de l'exagération. C'est ce qu'on entend dans les gradins, en tout cas, du moins ici à Jonquière. Bien, moi, ce que je vous dis, c'est qu'en emmenant des joueurs d'intensité, des gros bonhommes, des gars qui donnent des mises en échec, ça ne peut qu'arriver dans le match. Ça vient avec, ça. T'sais. À un moment donné, quand tu es un défenseur, que ça fait trois fois que tu te fais frapper ben là, par le même gars, puis tu commences à être tanné. Là. À un moment donné, tu vas aller dire arrête ou bien, ça va arriver. Mais des combats arrangés avant le début, là, hey, on se pogne après le warm-up. Là, moi, je pense que ça a plus sa place avec le niveau de hockey qu'il y a dans cette ligue-là aujourd'hui. Je pense que si on amène des joueurs intenses qui savent jouer et qui sont capables de donner des bons chiffres à la glace, je pense qu'on va avoir un bien meilleur spectacle que de prendre deux gars qui ne savent pas patiner et les envoyer dans le centre pour se battre. Là. Moi, j'appelle pas ça un match robuste dans ce temps-là. Là. Lucien, peux-tu nous vendre les choix numéro 2, numéro 3 des Marquis, le centre Gabriel Lévesque et l'ailier Mathieu Roy? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ces deux joueurs? Mais quand on parle de Gabriel Lévesque, moi, ça fait très longtemps que je le connais. Là. Je l'ai, j'étais son entraîneur au niveau Pioui 2A, Bantam 2A, quand il était jeune. C'est un gars de 5 pieds 7, mais qui joue comme un gars de 6 pieds. Là. C'est pas un gars qui est petit que tu vas intimider. Là. C'est pour ça que, si vous regardez ses statistiques, le gars ramasse des points partout où il passe. Il a même peut-être un court séjour dans la Ligue avec deux équipes, il a 31 points, 31 matchs. Fait que c'est un gars qui va t'amener de la vitesse, extrêmement intelligent en attaque à 5, peut jouer à défense en power play. C'est un excellent passeur. Puis l'année passée dans la Ligue d'Angleterre, a ramassé 62 points, je pense, ou 67 points. Là. C'est un gars qui ramasse plus d'un point par match, qui est très rapide et bien intelligent avec la rondelle. Je pense qu'il va nous amener de la profondeur à ce niveau-là. Parce que l'année passée, en attaque à 5, on n'a pas trop marqué de but. Ça nous a manqué beaucoup l'attaque à 5 l'année passée. Fait que c'était important de se garnir de ce côté-là d'un gars qui était capable, qui était très à l'aise là-dessus aussi. Là. Et Mathieu Roy? Mathieu Roy, bon, on parle d'un petit Dale Hunter. Là, on parle d'un petit Dale Hunter qui a toujours le nez dans le trafic puis qu'il a toujours le nez à côté dans ta face, qui trie dans la face, qui manque deux dents. Puis c'est un tannant là, qui ramasse saison après saison des points. Puis c'est un gars qui aime aller dans le trafic, qui va aller en avant du filet et non pas sur le côté, comme on a vu par les années passées. Là, c'est une autre chose qu'on voulait chez nous avoir quelqu'un le nez dans le gardien de but, là, mais ça, c'en est un qui va payer le prix en avant du filet pour aller chercher ses points. C'est là qu'il fait son pain et son beurre. Là. C'est alentour du filet tout le temps. C'est un gars qui est très intense, donne des bonnes mises en échec. C'est un talent, c'est un style Dale Hunter là, qui va déranger l'adversaire beaucoup. Les Marquis ont aussi réclamé le gardien de but de Chicoutimi, Olivier Tremblay. Pourrait-il prendre la place de Raphaël Girard chez les Marquis? Est-ce qu'il pourrait prendre la place à Raphaël Girard? Ça va être à l'entraîneur de décider qui va garder, qui va échanger ou ça va venir à eux avec les discussions hockey. Sauf que on connaît Raphaël, t'as un excellent gardien de but aussi. On l'a vu des fois, il était plusieurs semaines sans garder les buts, puis quand il est embarqué dans le filet, il a fait le travail. Là, et on peut pas rien reprocher à Raphaël. Par contre, on ne pouvait pas passer avec des rapports de certains de mes amis qui sont recruteurs dans Ligue junior majeure du Québec. Quand j'ai été au rapport pour lui, on m'a dit, écoute, Lucien, ça va être un bon gardien de but. Éventuellement, c'est un gars qui va être capable de devenir numéro un s'il est sérieux, puis il va être capable de faire une bonne job comme deuxième. Et en plus, c'est un produit local. Donc, il faut valoriser les gens locaux. Quand ils sont à force égale, il faut aller chercher le gars qui est local. C'est bien important. C'est les Marquis, ils ont des bons joueurs de hockey dans leur patelin, puis il faut les favoriser quand ils sont à force égale. Je suis content. C'est pas un cadeau qu'on fait à Olivier, mais pas du tout. J'étais avec justement le recruteur du junior major. Ici, on est en train de travailler des choses, puis c'est exactement lui qui m'a référé à Olivier en me disant, écoute, c'est pas un cadeau que tu y fais, le mérite d'être là. c'est un gars qu'il faut que tu lui donnes sa chance. Puis moi, quand j'ai des bons rapports sur quelqu'un, il n'y a pas de raison que je ne donne pas sa chance. S'il m'aurait dit, écoute, touche pas à ça, c'est une passoire spaghetti, pas parce qu'il vient du Lac-Saint-Jean, je l'aurais pris, je ne l'aurais pas pris. Je suis content, Lucien, que tu fasses le rapport, le lien avec la Ligue junior majeure du Québec. Un joueur qui termine son stage junior majeur, peu importe l'équipe, qui est dans le top 6 des joueurs d'attaque ou dans le top 4 des défenseurs, est-ce qu'automatiquement, il est de calibre pour la Ligue nord-américaine ou c'est pas sûr? C'est pas tout le temps sûr parce qu'il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Tu sais, faut comprendre qu'on est une ligue d'hommes. Et puis, quand on arrive avec un gardien de but, c'est un prérequis qui est moins, des fois un peu moins exigeant ce côté-là. Mais quand tu arrives avec un gars comme David Henley qui a 6 pieds 4, 230 livres, puis tu as un autre défenseur qui a 5 pieds 9, qui a joué junior majeur, des fois, t'es mieux qu'il y a à l'universitaire, voir comment il va se développer un petit peu, puis de laisser progresser avec son temps. Donner le temps de progresser. Tandis qu'un gars comme David Henley, vous avez été voir les vidéos sur YouTube, c'est un gars qui donne de solides mises en échec. D'ailleurs, il ne pouvait plus jouer dans le junior majeur. Il a eu 23 matchs de suspension l'année passée pour des mises en échec. C'est un gars qui frappe très, très dur, qui va aller le chercher dans le blind side. Puis c'est un gars qui va être capable de faire face à des hommes. Fait que c'est ça, faut juste faire attention, voir le caractère de chacun des jeunes. Puis il faut aller voir jouer, puis les voir comment ils se débrouillent. Moi, je vais aller voir jouer, puis avant de repêcher quelqu'un, faut toujours que tu l'aies vu jouer. Ça, c'est bien, bien important. On comprend puis, tout de suite, avec ce que tu nous dis, Lucien, on comprend tout de suite que la Ligue nord-américaine, c'est pas une ligue de garage, là. Non, mais pas du tout. Là. Si les gens pensent que c'est une ligue de garage, je peux vous dire qu'il y a des joueurs de hockey là-dedans qui ont des beaux bagages de hockey, qui ont passé par de belles places, puis du gros calibre de hockey. Puis je vous dis, moi, j'étais là il y a 20 ans, puis avec le retour, je trouve qu'avec les 4-5 dernières années, elle a vraiment changé au niveau hockey. Écoute, on parle de David Henley, mais on n'a pas parlé de son frère Samuel. Là, tu sais que on espère qu'il va joindre à nous. David, lui, on se parle demain, mais son frère, lui, qui est revenu à la maison pour des raisons familiales, a quand même joué un match avec l'Avalanche du Colorado. Là, tu sais, c'est pas rien. Là, il y a 2 ans, c'est un gars de 25 ans, 6 pieds 4, 2,30, lui, avec. C'est pas des manchettes. Fait qu'on parle de gars qui ont touché à la Ligue nationale. Là. On n'en connaît pas beaucoup dans nos vies là, qui ont réussi à jouer un match dans la Ligue nationale. Là, lui, là, il a joué là, puis il a pas retourné. Fait que c'est un gars qu'on essaie d'apporter à la maison. Puis on espère que David va convaincre son frère de venir jouer avec lui. On ramasse toutes les familles, nous autres. Ben oui. Les Adelais, les Malouins. C'est bien le fun pour ça. Et justement, ben, dans la famille Henley, le grand frère Cédric, qui a joué son junior, qui est quand même un gros gars, 6 pieds 5, 200 livres, est-ce que lui joue encore au hockey? Parce qu'après son stage junior, j'ai plus aucune statistique de lui. Non, c'est ça. Il n'a pas joué au hockey. Possiblement qu'il a joué pour le fun, mais depuis 2012-2013, il n'a pas joué au hockey. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui va être peut-être plus difficile pour un gars qui a arrêté aussi longtemps. Ouais. On parle de quand même 5 ans. Là. Tu sais, peut-être qu'il faudrait le voir avant dans le Senior 3A, voir comment ça irait. C'est surtout, c'est une question de se garder en forme aussi. Hein. Le gars qui est sérieux, on a vu des gars qui ont arrêté 2 puis 3 ans, qui ont joué en Europe, puis on les a ramenés au hockey, mais le gars avait des bananes sur le ventre. Ça l'aide, là, tu sais, c'est... Le gars qui se tient en forme, puis qui continue à s'entraîner, puis qui joue 2-3 fois par semaine, bien, quand t'as joué au hockey pro, t'as joué au hockey pro, là. Tu sais, c'est ça. Ça s'enlève pas dans ta tête, là. Ta façon de jouer dans ta tête, elle reste la même quand même. Là. Une dernière question, Lucien. Toi qui es près des joueurs, peux-tu nous donner un peu plus d'informations sur Nicolas Blanchard, l'ancien des Sags, soit dit en passant, qui a été victime de plusieurs commotions cérébrales. Est-il rétabli complètement de ses commotions? Pourra-t-il se joindre au camp d'entraînement des Marquis? Au niveau de Nicolas, moi, j'ai pas eu de discussion avec dernièrement. Moi, j'ai eu une discussion à la fin de la saison l'année passée. Il me parlait qu'il aimerait ça faire un retour, mais il va falloir que sa santé lui permette de revenir, de faire un retour au jeu. Par contre, je sais que M. Boivin a eu des discussions dernièrement avec, et puis... Il parlait de ça encore, là, sa santé, voir... Puis, tu sais, on est encore loin, là. Tu sais, on est à 2 mois du début de saison. Il fait encore chaud. on se tient à l'air climatisé, on n'a pas de patin dans les pieds, là, tu sais. Fait que c'est bien, c'est ça aussi. Quand le hockey va commencer, les arénas vont ouvrir, là, puis tu rentres dans l'aréna, puis ça sent le stock de hockey, là. ça te fatigue un petit peu plus, là, tu sais. Fait que il y a ça aussi qui va rentrer en ligne de compte. Lucien Paquette, merci beaucoup des précisions et des renseignements. On va se reparler très, très bientôt. Ben, merci beaucoup à vous. Au revoir. Donc, si ça sent